en œuvre. Écoutez le texte et la mise en œuvre dans l'enregistrement sonore. Répétez et répondez suivant les indications. Étudions l'arbre généalogique de Mireille. En 1912, Adolphe Bello épouse Eugénie Daubois. Ils ont deux enfants, Casimir et Anatole. En 1937, Anatole Bello épouse Jeanne Langlois. Ils ont cinq enfants, deux filles, Georgette et Paulette, et trois garçons, François, Armand et Guillaume. En 1964, François Bello épouse Madeleine Potier. Ils ont trois filles, Cécile, Mireille et Marie-Laure. Étudions l'arbre généalogique de Mireille. Anatole Bello épouse Jeanne Langlois. Anatole Bello épouse Jeanne Langlois. Ils ont cinq enfants. Ils ont cinq enfants. Combien d'enfants ont Anatole et Jeanne Bello? Cinq. Ils ont cinq enfants. Deux filles et trois garçons. Deux filles et trois garçons. Combien de filles et combien de garçons ont-ils? Ils ont deux filles et trois garçons. Si vous examinez l'arbre généalogique, vous voyez que Mireille est la fille de François et Madeleine Bello. Cécile et Marie-Laure sont les filles de François et Madeleine Bello. Et de qui Yvonne est-elle la fille? C'est la fille d'Armand et Arlette Bello. Mireille est la petite fille d'Anatole Bello et l'arrière-petite-fille d'Adolphe Bello. Georges est le fils d'Armand Bello, le petit-fils d'Anatole et l'arrière-petit-fils d'Adolphe. Mireille est la petite-fille d'Anatole Bello. La petite-fille d'Anatole Bello. Est-ce que Mireille est la fille d'Anatole Bello? Non, c'est la petite-fille d'Anatole Bello. Et l'arrière-petite-fille d'Adolphe Bello. Et l'arrière-petite-fille d'Adolphe Bello. Est-ce que Mireille est la fille d'Adolphe Bello? Non, c'est l'arrière-petite-fille d'Adolphe Bello. Georges est le fils d'Armand Bello. Est-ce que Georges est le petit-fils d'Armand? Non, Georges est le fils d'Armand. Georges est le fils d'Armand Bello, le petit-fils d'Anatole. Le petit-fils d'Anatole. Et l'arrière-petit-fils d'Adolphe.